On va parler d'NCAA et de NFL avec notre ami Hugues Fouché. Hugues, d'abord, les Bulldogs de Georgia ont remporté une victoire de 33-18 sur Alabama. C'est ce que je pensais. À quelque part, Oui. il y avait un mauvais match dans le système de la SEC. Et là, la défensive de Georgia s'est Oui. rattrapée dans ce match-là. Oui, écoute, ça a été un très bon match en passant. Ça a été serré. On a eu une explosion de points en fin de match au quatrième Quatrième quart, mais quart. avant ça, c'était un beau duel défensif. Et, ça, comme ça arrive souvent dans ce genre de duel-là, on a l'impression que les deux coordonnateurs offensifs solutionnent la défense adverse en même temps. C'est que c'est un peu ça qui est arrivé, hein. On a ouvert les livres, puis à un moment donné, ça s'est mis à être plus explosif, mais très bon match. Alabama s'est bien battu, mais moi, je suis d'accord avec toi. Georgia avait un mauvais match dans le système contre Alabama. Ça les a remis à leur place de subir cette défaite-là. Ça les a ramenés sur terre, et puis là, ils ont joué. Quelle ligne défensive incroyable de Georgia. Le fond défensif est vraiment hallucinant. Ils ont blitzé davantage que ce qu'ils avaient fait le match précédent. Donc, hein, ils avaient vraiment essayé de mettre une pression à trois ou quatre joueurs. Là, ils ont été plus agressifs. Et puis, ils se rendaient constamment au quart arrière. Donc, ça a été un très bon match. Moi, j'ai trouvé que Stetson Bennett, encore une fois, là, pour un gars Oui, exactement. C'était ma question. Stetson Bennett, vas-tu être Oui. capable? Y a-tu te tailler une place? Au moins être repêché, sûrement. Oui, d'après moi, oui. Moi, je le vois là, à ce stade-ci. Écoute, il n'y a pas le physique, c'est clair. Là. Il est tout petit, il n'est pas très. Il a pas non plus le bras le plus puissant, même s'il a quand même un bon bras. Il est précis, par contre, mais c'est surtout qu'il est intelligent puis il prend des bonnes décisions. Son histoire est le fun. Moi, je pense qu'il devrait être repêché autour de la quatrième ronde, dans les mêmes eaux que Kirk Cousins, par exemple, avait été, parce que Cousins, c'était à peu près ça aussi. Comme, tu sais, quand tu regardes Kirk Cousins, c'était à peu près Stetson Bennett dans son temps. Ça ressemblait à ça. Excepté qu'il n'a pas gagné un championnat national, mais à Michigan State, il n'avait pas l'équipe pour le faire, mais c'était un bon corps qui quand même améliorait les joueurs autour de lui, un peu comme Bennett le fait là, au niveau collégial. Et on a vu dans les derniers matchs qu'il était plus qu'un game manager. Il a vraiment bien joué, là. Alors, moi, je pense qu'autour de, pour ce niveau-là, là, mais dans la ligue, dans la NFL, on parle plus peut-être là d'un game manager, mais moi, je pense que oui, il va être repêché. Puis, personnellement, je serais pas surpris de le voir aller troisième, quatrième ordre, parce qu'écoute, tu Tout de suite repêches dans le pif des. une carrière aussi de la Ligue canadienne. Puisque Ben, si jamais il était pas repêché, oui. pas de bras, petit carrière, c'est un style Ligue canadienne pas mal, ça. Il y a toujours une place pour un corps intelligent qui sait comment gagner en Ligue canadienne. C'est sûr. S'il fait pas la NFL, mais moi, je pense que dans le pire des cas, ça va être un bon réserviste. Puis dans le meilleur des cas, peut-être qu'il pourrait devenir partant. La question, c'est toujours la puissance de son bras. Je pense pas que son bras soit moins puissant que, mettons, Tagovailoa à Miami, par exemple, là. Je pense que dans ces eaux-là, c'est à peu près le genre de bras qu'il a. C'est le genre de corps qui est un peu aussi, mais moi je pense qu'il pourrait en plus petit là, mais moi je pense qu'il pourrait peut-être se tracer une place. Je pense qu'il va être repêché. Il va avoir beaucoup de joueurs de Georgia par contre qui vont être Oui, en repêché premier en première ronde. Hein? choix, première ronde, 3-4 joueurs défensivement, peut-être. Oui. T'as au moins un ou deux joueurs sur la ligne défensive. T'as Walker, t'as Dean, moi je pense qu'il va en avoir 3-4. Ça va pas mal tout être des joueurs défensifs, mais il y en a d'autres qui peuvent être intéressants sur cette équipe-là. Regarde, deux joueurs qu'on a vus qui pour moi sont intéressants puis qui vont être repêchés plus loin. Bolden, le receveur de passe, le slot receiver d'Alabama. Et puis Cook, James Cook, le frère de Delvin, comme porteur de ballon dans les situations de passe. Et moi, ces deux gars-là, c'est sûr que à partir de la 3e, 4e ronde, c'est le genre de gars que je voudrais. C'est des gars de rôle précis, mais qui sont super bons dans ce qu'ils font. C'est de la grande qualité dans ce qu'ils font, puis c'est des rôles importants sur une équipe. Ces gars-là sont toujours traditionnellement repêchés un peu plus tard, mais c'est des deux gars qui pourraient faire un travail extraordinaire. Fait que il y a plein de belles histoires, on va pouvoir s'en reparler, mais sur ces deux équipes-là, des joueurs qui vont être intéressants en première ronde, mais plus loin aussi, là. Quand une équipe se rend au championnat national, il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il y a des bons joueurs sur l'équipe. Effectivement. Dans la NFL, c'était le lundi noir. Vic Fangio Oui. était con. Il y a eu quoi? Un, deux, quatre entraîneurs, comme je dis. Ouais, je pense que c'est ça, Et le plus surprenant des Giants. étant plus. Ben, moi, c'est. Oui, je pense que. Ben, ça dépend. Dans la plupart, on parle aussi de Gruden, mais lui, c'était déjà avant. Ouais. Moi, il y a Fangio, mais moi, celui qui m'a jeté par terre, là, j'ai jamais vu ça venir, c'est Flores avec Miami, Ouais, Brian surtout que Flores. t'avais connu quand même une bonne fin de saison. Tu vas me dire que les Dolphins, il Oui. n'y avait pas un gros calendrier, mais ils ont gagné pareil les matchs. Hein. Écoute, oui, quand il est arrivé à Miami la première année, rappelle-toi, ça fait 2 ans de ça, Ouais. ils avaient un roster, une équipe historiquement mauvaise. Ouais. Dans la première moitié de l'année, il se faisait massacrer par tout le monde. Il était en train de battre des records, de peut-être être la pire équipe de l'histoire. Et puis soudainement, il a réussi à faire quelque chose avec ça. Ils ont gagné, ils ont joué pour plus que 500 en fin de saison. Et là, tout le monde c'était unanime là, que ce gars-là est un bon coach recru. L'année passée, il les a presque amenés en série. Puis cette année, je veux dire, OK, t'as raison, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ils ont mal commencé. Par la suite, par contre, il y a eu une série de victoires, mais unanimement, là, je dis même pas, c'est même pas un consensus, là. Unanimement, je pense que tout le monde qui suit le football t'aurait dit que Miami n'a pas une si bonne équipe que ça, puis que Flores les tirait vers le haut, pas l'inverse. Alors, puis il a été congédié, on a carrément dit que c'était pour des raisons plus de comportement, ou je sais pas, tu sais, c'est plus une chicane avec son directeur général. Bref, il a été congédié pour toutes les pires raisons qu'on peut penser, qui n'ont aucun lien avec sa compétence de coach. Je suis très surpris de ce congédiement-là. Je pense qu'il va pouvoir se replacer quand même assez vite, là, mais je suis très, très étonné. Fangio, je le vois pas nécessairement revenir dans un poste d'entraîneur en chef. Je pense que il est un petit peu dans la, je sais pas si tu es d'accord, là, dans la lignée des Wade Phillips de ce monde, Marvin c'est-à-dire Lewis. oui, c'est ça, exactement. Un coordonnateur défensif de génie, là, très bon, mais pas un coach en chef. C'est pas sa place. Il est meilleur comme, il est tellement bon comme coordonnateur défensif. Mettez-le là où il est bon, puis tu sais qu'une équipe l'engage, là, demain matin pour être, tu prends un jeune entraîneur, exemple, tu lui mets ce gars-là comme coordonnateur défensif, ça peut aussi être un mentor d'une certaine façon, il va être parfait pour ce genre de situation-là. Je suis convaincu que le téléphone doit déjà sonner pas mal dans son cas. Ok, lui des Giants également, lui c'est pas vraiment surprenant, les Giants, Joe Judge. ouais, les Giants, mais ça progresse pas, hein? Non, écoute, ça a été lamentable et j'ai vu des parties de leur dernier match. Le jeu dont on parle dans les journaux, Danny, où ils étaient dans leur territoire et ils ont fait une faux filade du corps sur un troisième essai et 9 pour essayer de gagner un peu d'espace. Mais tu sais, ils sont peut-être à leur ligne de 3 ou 4, ils font une faux filade du corps, puis la foule, écoute, la foule huait, mais ça s'appelle même plus huer, là. Puis je comprenais parce que, honnêtement, quelle drôle de décision. Et quand ta job est sur la ligne, tu sais, je comprends que. On avait Jake Fromm comme quart arrière. C'était le troisième quart arrière, mais au moins, essaye de faire une course. Tu peux pas faire un faux filade du corps sur un troisième et 9. Alors, c'est toutes sortes de décisions particulières, des déclarations d'un journaux particulier. Je sais pas, lui, quel va être son avenir à Joe Judge, ni ce que les Giants vont faire. Comme tu dis, ça progresse pas. Le quart arrière partant de l'équipe, t'es en train de démontrer qu'il n'y a pas nécessairement ce qu'il faut pour être un corps partant à NFL. Non, Daniel Jones. Non, l'équipe est pas mauvaise, mais c'est pas non plus, c'est que c'est pas une belle situation pour un entraîneur-chef. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à trouver quelqu'un d'extraordinaire. Là, ils ont même plus de directeur gérant. Gett Oldman vient de prendre sa retraite. C'est que je sais pas où ils s'en vont, mais visiblement, ils s'en vont pas au bon endroit. L'organisation est dans un état assez particulier présentement. Il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un, mais qui va vouloir de cette situation-là? Ça va probablement être des gens qui ont peut-être un petit peu de difficulté à se positionner ailleurs, parce qu'il y a des meilleures situations que ça dans la NFL. Elliot, Matt Nagy à Chicago s'est fait congédier aussi. Jim Harbaugh à Écoute. Chicago, à Miami, est-ce que tu Oui. y crois? Je sais qu'hier, on a comme tempéré un peu, Oui. Je sais pas, il y a Caldwell peut-être là. Ouais. qui pourrait aller là. Je ne sais pas si. Je sais que la rumeur est persistante parce qu'il y a un lien entre le propriétaire puis Arba. Moi, je vais être franc avec toi. Si Arba s'en va dans la NFL, j'ai de la misère à imaginer ne pas avoir les pleins pouvoirs. Donc, est-ce qu'il travaillerait avec un directeur gérant qui est déjà en place puis qui prend pas mal de Non. place comme Greer? Ouais. Moi, je suis pas sûr. Ça va peut-être vouloir dire que Greer restera pas non plus si Harbaugh arrive. Pour l'instant, j'y crois pas. Je vais le croire quand je vais le voir. OK, on va y aller maintenant avec les matchs de la semaine dernière. Quel match entre Oakland et pas Oakland, mais Las Vegas et Chargers, hein? C'était le meilleur match de la semaine, probablement. Il y a eu San Francisco également contre Arizona qui était très bon. Oui. Écoute, Oakland, je vais te dire une chose, je ne sais pas si c'est le meilleur match de l'année, mais c'est le plus intéressant dans le sens où, écoute, la question, entre guillemets, morale à la fin du match, c'était incroyable parce qu'on faisait des farces sur le fait que si deux équipes dans la même situation avaient joué au soccer, ça aurait fini par un nul de 0-0. Là, on sait comment ça marche dans ce sport-là, c'est chose fréquente, mais au football, tu peux pas t'entendre avec l'équipe adverse pour faire une nulle. Tu sais, c'est bien évident, là. C'est que, on regardait le match, mais en faisant des farces sur le fait que si ça finit nul, les deux équipes vont être en série. Or, ils se retrouvent en prolongation, puis pas par exprès. Les deux équipes se sont battues. Ils arrivent en prolongation, pas capables de faire un mètre. Puis à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où Oakland, ils peuvent soit tuer l'horloge en mettant le genou à terre ou aller gagner le match. Et là, tu dis, écoute, est-ce qu'ils jouent ça neutre pour avoir la nulle? Parce que dans le fond, ça les rassure. Les deux équipes sont assurées. Les deux équipes ont un avantage à rendu à ce point-là du match. T'sais, il reste moins d'une minute. Les deux équipes ont eu l'avantage à pas. Et finalement, non, Oakland a quand même joué. Ils ont réussi à aller chercher le match. Il est arrivé une situation un petit peu étrange où Los Angeles a pris sur les Chargers ont pris leur temps d'arrêt. Ça a incité les Chargers, excuse-moi, les Raiders à y aller, puis ils ont fini par aller chercher le match. Alors, moi, j'ai trouvé cette situation-là vraiment intéressante. Est-ce que, puis parce que juste le fait de faire un placement, Danny, ça présente un risque plus grand que de mettre le genou à terre. Si tu mets le genou à terre, le match est fini. Si tu fais un placement, il peut être bloqué, il peut être raté, puis tu peux avoir un retour. Tu sais, tout peut arriver, là. Le snap peut être mauvais, ça peut passer par-dessus la tête de ton holder, puis ça peut se retrouver dans les mains d'un joueur. Tu sais, c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver alors qu'un kneel down, c'est 100% garanti que le match est fini. Alors, tu sais, juste de faire ça, tu avais un petit risque, puis ça aurait été plus logique de juste dire on met le genou à terre dans le fond, puis on met fin au match, puis on se retrouve en série. Mais non, ils l'ont joué de la bonne façon. La Ligue devait être contente parce que ça aurait fait un peu arrangé sinon, mais j'ai vraiment trouvé la situation très intéressante personnellement. Oui, Puis effectivement. finalement, ben, écoute, les Raiders, quelle histoire incroyable. Oui. Écoute, ils sont allés gagner Indianapolis. En parlant des Colts, c'est la déception, mais écoute, aller perdre à Jacksonville avec la fin de saison. Puis il avait perdu aussi contre les Raiders, mais il avait connu quoi, ces 6 ou 7 matchs consécutifs, puis on disait, hey, si, personne ne veut les affronter, les Raiders, là. Mais les Colts, Ils puis ont finalement. marché, ils ont, Hey, ils ont aller marché perdre les à Patriotes. Jacksonville. Oui, Incroyable. oui. Écoute, dans un match de cette signification-là, puis écoute, je vais le dire, là, loin de moi, ils n'ont pas perdu ce match-là à cause d'un seul joueur, là, ils ont perdu parce que c'était une performance d'équipe inacceptable. Mais Carson Wentz, c'est pas la solution à Indianapolis. Ils ont une super équipe, il faut qu'ils se trouvent un quart arrière. Wentz a été épouvantable dans ce match-là, comme il l'est souvent. Surtout qu'il va y en avoir pas mal cette année. Aaron Rodgers, t'as Russell Oui. Wilson, Ouais. peut-être Deshaun Watson. T'as aussi. Il y en a plusieurs là, qui vont être disponibles. Tout à fait. Ça risque d'être très très intéressant aussi. La chasse au Ah, corps. au corps, puis c'est une belle place si t'es corps arrière, tu sais, je vais te dire, si t'es un excellent corps arrière, Danny, puis que je suis ton agent, puis que les Colts veulent te rencontrer, je peux te dire que on va te conseiller d'aller là, c'est une place, c'est une équipe qui a ce qu'il faut pour se rendre loin si tu leur trouves un corps arrière qui a du bon sens. Ben, je veux pas dire qu'il n'y a pas de bon sens, mais c'est un corps arrière de calibre, là, t'sais, ce qui n'est pas Carson Wentz. Ouais, effectivement. Hugues, gros merci, on se reparle quelque part la semaine prochaine. D'accord, bonne semaine. Dominique Fouché qui nous parlait de la NCAA et également de la NFL.